Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons maintenant voir comment l'exploration marine mène parfois à la recherche médicale. Et pour nous en parler, je reçois Elliot Drejoux, étudiant au doctorat à l'Université Laval. Bonjour Elliot. Bonjour Elaï. Elliot, j'ai dit simplement que tu étais étudiant au doctorat, mais j'aimerais que tu te présentes un peu mieux que je ne l'ai fait. Donc, tu étudies dans quel domaine, avec qui, où ça, quel département? Oui, alors en fait, donc, comme tu as dit, je suis étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski, donc okay. L'Institut des sciences de la mer. Et ça fait depuis septembre 2015 où j'ai commencé à faire mon doctorat. Donc là, je m'en viens petit à petit vers la fin où il va falloir faire le dépôt final. Et donc, mon projet, en fait, s'intéresse au lien entre les espèces qu'on va trouver dans le sable et les activités humaines. Mais dans le sable, la plage ? Dans le sable, mais pas que la plage, mais surtout le sable qu'on va trouver un peu profond sur okay. les écosystèmes côtiers. Donc, okay. Entre 0 et 70 mètres de profondeur environ. Mmh. Le petit twist de ma thèse, c'est que nous, on n'essaye pas de regarder l'impact des activités humaines, de une activité humaine par exemple, mais de plusieurs à la fois d'un point de vue cumulatif, mm-hmm. de voir s'il y a un peu des phénomènes d'émergence qui peuvent apparaître mm-hmm. si on regarde plusieurs activités à la fois. Ça, c'est un domaine qui est en bonne expansion, on va dire, en écologie marine, parce que maintenant les techniques nous le permettent, alors ouais. qu'avant c'était plus difficile. Donc on va avoir une vue globale, pas juste une vue de une action. Donc là, on va parler des ressources marines, de la biodiversité marine et comment ça peut aider à la recherche médicale. Donc on sort un petit peu de ton champ d'études, mais j'imagine que tu as autour de toi des collègues auxquels que peut-être tu as pu t'informer. Oui, tout à fait. Et puis l'intérêt de l'écologie marine, c'est que dans l'écologie, c'est une science de l'habitat. Mm-hmm. Et dans la science de l'habitat, il y a plein de paramètres différents. On peut regarder à la fois l'habitat d'un point de vue biologique, d'un point de vue physiologique. Donc, dans le cas de la médecine, c'est quand même très utile. Mais on peut aussi regarder ça de façon physique, chimique et géologique. Ouais. Ce qui fait qu'on a l'habitude de travailler avec plein de choses et d'être ouvert sur beaucoup de sujets. Et j'ai effectivement, dans mon entourage, à l'Université Laval et à l'Institut à Rimouski, beaucoup de gens qui travaillent sur ce genre de projet. Et aussi dans la conception de solutions, on va dire, pour mm-hmm. des traitements plus appliqués. Donc un océanographe est quelqu'un de multidisciplinaire. Exactement. Ouais. Alors avant de plonger dans les océans, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de la recherche médicale? Parce que finalement, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise la nature pour se soigner. Ah non, ça c'est sûr. Mais je pense que depuis toute l'histoire humaine, on a toujours eu une interaction très très complexe avec la nature et très intéressante sur le fait de chercher des remèdes. Quand nous étions déjà à l'époque préhistorique, il y avait forcément des personnes qui avaient remarqué « Ah bah tiens, une plante peut guérir tel genre de maux, de mal ». Et c'est intéressant de voir que dans les archives qu'on a, même de littéraires de périodes un peu moins anciennes que la préhistoire, on a beaucoup de descriptions de plantes, beaucoup de descriptions des effets que peuvent avoir ces plantes, sans forcément avoir une idée de comment ça se passe à l'intérieur. Ouais. Et ça, en fait, la botanique et la découverte de remèdes médicinaux, c'est quelque chose qui est donc inscrit dans l'histoire de l'homme, mais qui a eu vraiment une augmentation d'intérêt avec justement le développement des nouvelles technologies. Je pense par exemple rien qu'au microscope. Si on imagine par exemple le microscope, ce qu'il a fait pour la biologie médicale, c'est sensationnel parce qu'on est capable de voir à une échelle microscopique mm-hmm. comment est-ce que les cellules réagissent à par exemple un traitement. Ouais. Et donc il y avait cette célèbre citation qui est que rien n'est poison, tout compte dans le dosage. C'est vrai. Mais finalement, c'est que ce genre de recherche nous a permis de mieux comprendre en fait la finalité de qu'est-ce qu'on utilisait avec les plantes, par exemple. Mmh. Et dans le cas des organismes marins, c'est quelque chose qui est rendu intéressant à l'homme depuis pas si longtemps que ça. Ben oui, parce qu'on n'y avait pas forcément accès. Les plantes, exactement. On les cueille, on les voit, mais les ressources marines, elles ne sont pas à portée C'est-à-dire, de main. On savait que ça existait. On savait par exemple que en Méditerranée, dans la mer Méditerranée, il y a eu des interactions avec les pêcheurs qui allaient très très profond pour aller chercher du corail rouge, par exemple, qui était utilisé pour faire des pigments. À l'époque, des pigments de couleur. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça. Et on s'est rendu compte que les populations étaient déjà en interaction avec la mer depuis très longtemps. Mais c'est que depuis le développement de ce qu'on avait appelé l'océanographie moderne, donc c'est-à-dire le développement d'une science avec un S majuscule de la biologie marine, finalement, qui a commencé à se développer au début du XXe siècle, donc vers les années 1900 et 1910, avec justement des personnes, des grands noms comme le prince Albert de Monaco ou même le commandant Cousteau qui a commencé à vraiment augmenter l'intérêt des gens sur le milieu marin. Et qui dit augmenter l'intérêt des gens dit aussi de se poser des questions sur justement les principales exploitations qu'on peut en faire. Donc évidemment, on pense tout de suite à la pêche, mais on pense pas forcément que les organismes marins peuvent être utilisés d'une autre façon, qui est pour trouver des molécules utiles à notre pharmacopée, qui est donc tout l'essentiel des médicaments dont l'humanité dispose pour se guérir, finalement. Est-ce qu'on les essaye de la même façon? Est-ce qu'on essaye, c'est parce que les plantes, on peut les manger, puis ou les faire en tisane, mais on fait pas du poisson en tisane. Non, pas vraiment. On va dire que c'est plutôt une sorte d'essai-erreur. Ça a toujours été ça. Ouais. Mais l'intérêt, c'est que depuis donc le développement de la biologie moléculaire, donc qui s'intéresse aux molécules vraiment à l'échelle microscopique, l'intérêt de la biochimie par exemple, donc tout ce qui est la chimie qui a lieu lors de notre métabolisme, donc lorsque le corps fonctionne, tout ça c'est des choses maintenant dont on a vraiment une énorme connaissance tout ça, de toutes les molécules qui sont en lien dans tout ça, ce qui fait que quand on regarde des organismes et qu'on demande à des physiologistes de regarder comment est-ce que les organismes fonctionnent finalement, donc avec quel type de molécules, etc., ben on est capable de se rendre compte qu'il peut y avoir des similarités entre des molécules qu'on découvre et des molécules qu'on pensait utiles pour guérir ce genre de choses. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte que les organismes marins, ils n'ont pas des conditions comme nous, on les expérimente aujourd'hui, ni comme les plantes les expérimentent. Ils ont des conditions qui sont déjà dans l'eau. Et dans l'eau, il y a plein d'éléments qui font que leur métabolisme est ce qu'il est, en fait, pour eux. Et les molécules qu'eux utilisent, ils les utilisent à des fins très précises. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'en étudiant ces molécules qui avaient, par exemple, le pouvoir d'empêcher des bactéries de se poser à la surface d'organismes, on se rend compte que ces molécules-là peuvent nous être utiles en utilisant, par exemple, ces bactéries dans le cas d'opération, ces molécules dans le cas d'opération chirurgicale. Parce que comme n'importe quelle surface, il y a toujours des bactéries qui se mettent, par exemple, sur les scalpels ou sur des instruments de chirurgie. Et en utilisant ce genre de choses, on est capable à mieux stériliser, par exemple, nos outils. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante et qui est rendue possible maintenant avec toutes ces technologies. C'est possible avec tous les outils de biologie moléculaire. Donc on a des idées de quelle va être la fonction de telle ou telle molécule. Tout à fait. Mais on ne sait pas forcément où se trouvent ces molécules dans toute la biodiversité. Non. Donc comment on fait? On pioche ça au hasard? Il y a plusieurs façons de faire ça. Parce que si je regarde une anémone de mer, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme molécule là-dedans. On peut se rendre compte qu'une anémone, par exemple, ça pique. C'est un exemple assez intéressant, parce que quand l'anémone, c'est un organisme qui possède des petites cellules urticantes, donc c'est lui qui pique. En fait, si on se rend compte à l'échelle microscopique, c'est des cellules avec un petit harpon, et un harpon qui va se déclencher au toucher de l'anémone, et ça va injecter un petit venin dans la proie ou dans l'homme. La plupart des anémones qu'on trouve à nos latitudes ne sont pas vraiment dangereuses pour nous, mais si on va plus au sud, vers la tropique, là, ça commence à être déjà un peu plus embêtant. Et le grand groupe des cnidaires, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les anémones et les méduses, ça peut être très, très dangereux. On pense, par exemple, en Australie, aux cuboméduses, les méduses cubiques. Ça, on peut avoir un choc anaphylactique. Donc, c'est-à-dire un choc où tout l'organisme dit non, je ne peux pas gérer ça, et on meurt en quelques secondes. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ouais. Donc, en fait, c'est ce genre de choses qui se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus, parce que, effectivement, si c'est un venin, par exemple, ça veut dire que notre organisme va réagir d'une certaine façon, mais qu'est-ce qui se passerait si on changeait la dose? Qu'est-ce qui se passerait si on le mettait avec d'autres molécules? C'est une sorte d'essai-erreur qu'on a eu petit à petit, et qui a permis de déboucher à plein d'exemples concrets aujourd'hui, justement, sur l'application de ces molécules. Allons-y dans ces exemples complets, j'ai hâte de les savoir. Par exemple, j'ai un exemple vraiment très intéressant en tête, parce que c'est un exemple qui m'a touché moi en tant qu'étudiant, dans le sens où quand je suis allé faire mes études en France, je suis allé sur l'estran, donc là où il y a en fait le littoral, où il y a les marées qui balancent chaque jour. Et lors de mes travaux, je cherchais un peu la biodiversité sur la plage. Et en cherchant, je suis tombé sur un petit ver marin qui faisait des petits tourbillons de sable à la surface. Ah oui, on voit ça, oui, c'est vrai. Ouais. Et là, ça s'appelle un ver arénicole. Okay. L'espèce s'appelle Arenicola marina. Arène, comme le sable. Oui, arène, exactement. Sable, c'est-à-dire, c'est un ver, en fait, qui mange le sable et qui expulse le sable. Et c'est, en fait, les petits tourbillons qu'on voit, c'est le sable qu'il a digéré. Et en fait, il ne digère pas le sable, il digère les particules qu'il y a sur le sable. Tout simplement, ça veut dire qu'il ne peut pas manger les minéraux, il mange juste... Comme des nutriments qui sont collés sur les grains de sable, la matière organique, finalement. C'est ça, donc tout ce qui a été décomposé, etc. Donc ce petit ver, l'arénicole marina, on s'est dit, tiens, je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai touché pendant mon doctorat, mon master, etc. Et il y a quelques temps, dans les années près des années 2010, il y a un chercheur de Bretagne, il me semble que c'est Noirmoutier, j'ai plus en tête, mais un chercheur de Bretagne qui a commencé à regarder ces espèces. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que ces espèces avaient dans leur sang une protéine qui est transportrice d'oxygène, qui transporte l'oxygène, l'hémoglobine, mais qui est en fait extrêmement proche de nous, de notre hémoglobine. Ah oui ? Et oui. Et l'intérêt, c'est que l'hémoglobine humaine, elle est un peu embêtante. C'est parce que nous, on a toujours des groupes sanguins A, B. Ça dépend en fait de la compatibilité du sang avec le nôtre. Et bien, on s'est rendu compte que l'hémoglobine de l'arénicole n'a pas de problème. Elle est compatible universellement. Ah oui. Et en plus, elle transporte 4 fois mieux l'oxygène que la nôtre. Oh. Et donc, finalement, cette hémoglobine-là, on n'est pas capable encore d'utiliser comme substitut de sang humain. Par contre, il y a des applications en ce moment pour utiliser cette protéine pour protéger les greffons avant de se faire dans une greffe chirurgicale, comme des reins, comme... Quand on les prélève, avant de pouvoir les transplanter, il faut les maintenir en vie. Il faut les maintenir en vie parce que sinon, ils se dégradent. Et donc, quand le donneur donne un organe, bah, il faut forcément garder l'organe le mieux possible, sinon il ne pourra pas être fonctionnel. Donc le sang, il y a en ce moment une grosse pénurie de sang, beaucoup de campagnes demandent à donner du sang, et bien ça justement c'est une chose qui pourrait aider un petit peu ce pan de la médecine, parce que ce sang est universel. Donc on n'en est pas encore à donner du sang de vers marin aux gens. Mais c'est une chose qui est possible aujourd'hui pour les greffons, et on peut imaginer plein d'applications différentes, que ce soit par exemple pour dans le cas d'accidents de décompression. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il va falloir faire des cultures de ces vers marins alors pour produire. Et ben justement, c'est que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quand même quelque chose. Parce que c'est grand comment ces vers là ? C'est un petit ver d'une vingtaine de centimètres quand il est adulte. Quand il est adulte. Et je me suis dit j'ai su quand je l'ai étudié que c'était un organisme qui était assez utile à l'écosystème parce qu'il a ce qu'on appelle une activité de bioturbation. C'est-à-dire que c'est une espèce qui va par sa vie entraîner de l'oxygène dans les couches profondes du sable. Ce qui veut dire en fait que le sable va être oxygéné et va permettre le développement d'autres espèces qu'on appelle des espèces ingénieurs. Donc ça aère le fond marin. Et ça le rend propice pour d'autres espèces comme par exemple des mollusques, des petits coquillages. Donc on ne veut pas vider le fond des océans. On ne veut pas du tout. Non. C'est pour ça que ces chercheurs-là, ils ont créé une ferme d'arénicoles où ils produisent, donc c'est-à-dire qu'ils élèvent leurs arénicoles depuis leur naissance, ils sont capables de faire naître des arénicoles en incubation et de les élever jusqu'à ce qu'ils soient pêchés. Et puis ensuite, on puisse récupérer leur hémoglobine. Donc, évidemment, ils sont sacrifiés, mais ça fait que c'est comme une sorte. C'est comme si on faisait un élevage de saumon, mais sauf que là, c'est un élevage de vers marins pour la médecine. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est quand même un exemple assez fascinant. Puis j'imagine que tu en as d'autres à nous présenter. Mais oui, bien sûr. Ben, on pense tout de suite aussi, quand on pense à ces molécules-là, on pense aux éponges. Les éponges qui sont des organismes qui filtrent l'eau. Leur seul but dans la vie, c'est de filtrer l'eau. Et l'éponge, une éponge de taille moyenne, avec un diamètre de 10 cm, on va dire, environ, est capable de filtrer près de 20 litres d'eau chaque jour. Donc, pour sa taille, c'est un volume colossal. Et en fait, elle se nourrit de tout ce qu'il y a comme particules dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les éponges dans l'aquariophilie, par exemple, pour nettoyer les aquariums, dans ce genre-là. Mais dans l'écosystème, c'est un rôle extrêmement important. Et on s'est rendu compte que les éponges, en fait, elles ont des cellules qui sont spécialisées pour la filtration. Et bien, ces cellules, il faut qu'elles soient en contact avec l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que les cellules ne soient pas colonisées par des bactéries tout autour de l'éponge. Et en regardant ça, ben on s'est rendu compte que les molécules qui étaient produites par l'éponge pouvaient être utilisées pour empêcher ce qu'on appelle le biofouling, donc c'est-à-dire la colonisation de surface par des animaux. Donc c'était l'exemple que j'avais donné pour le cas d'astérisation. Et on s'est ensuite rendu compte que les éponges sont des organismes qui ont des capacités de régénération colossales. C'est-à-dire que si on coupe une éponge, bah, elle ne va pas mourir, ça va faire deux éponges. C'est pratique. Et elles vont régénérer la partie qui a été coupée. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et notamment, il y a des chercheurs qui se sont dit « Mais oui, mais si on regarde la prolifération de cellules dans un organisme, ça nous a rappelé ce qui se passe dans les cancers, par exemple. Les cancers qui sont en fait une prolifération désordonnée et chaotique de cellules dans le corps humain. Et ben, on s'est rendu compte en fait que dans le cancer, il y avait beaucoup de choses je dis le cancer, mais il faudrait parler des cancers, parce que chaque cancer est unique. Mais les chercheurs ont commencé à essayer de chercher des similarités entre les cancers, et surtout ils se sont rendu compte que les molécules qui étaient présentes chez l'éponge étaient quand même très similaires par rapport à ce qu'on pouvait trouver aussi dans certains types de cancers. Et donc c'est pour ça que ces éponges ont été et sont aujourd'hui utilisées pour développer beaucoup de traitements contre les cancers et aussi les leucémies, par exemple. Ah oui. Et oui. Okay. Ouais. Donc il y a un champ énorme de possibilités là-dessus. On n'aurait pas cru qu'il y avait un lien entre la leucémie et les éponges. Surtout que les éponges, on a toujours tendance à dire c'est un être simple, c'est une relique préhistorique. Mais c'est n'importe quoi parce qu'elle a eu le même temps d'évolution que nous. Exactement. Donc c'est pas une relique, c'est juste un organisme simple. Ouais. Il est plus simple parce que ses conditions sont moins complexes que les nôtres. Sûr qu'il n'y a pas de bras, mais il y a d'autres fonctions fort utiles. Eh oui, ça c'est sûr. Il y a un autre exemple que tu veux nous donner qui est peut-être un peu plus technique, donc qui parle des méduses avec la GFP. C'est ça. Alors, c'est un exemple un peu rigolo parce que c'est extrêmement impressionnant à voir. Dans le sens où, là, je suis en train de parler de bioluminescence. Mmh. Bioluminescence, c'est-à-dire la capacité des organismes à produire de la lumière. Et la GFP, ce qu'on appelle la Green Fluorescent Protein, donc la protéine verte fluorescente, c'est une molécule qui est utilisée maintenant en biologie médicale pour être un traceur. C'est-à-dire, on met cette molécule sur une autre molécule et on est capable de tracer où c'est qu'elle va dans un système. Donc ça peut être un tissu, mais ça peut être aussi sur une boîte de pétri, donc une boîte de culture, pour savoir est-ce que cette molécule réagit avec un traitement qu'on va donner, et dans ce cas-là, est-ce qu'elle va devenir fluorescente. Ça peut être activé par ce genre de choses-là. Donc la bioluminescence est quelque chose qui est utilisé très concrètement par beaucoup de laboratoires aujourd'hui en biologie médicale, et cette molécule vient d'une méduse. C'est une méduse qui produisait de la bioluminescence dans les abysses, et on s'est rendu compte, le petit nom de la méduse s'appelle Aquaurea victoria. Si ça vous intéresse. Je trouve que c'est un joli nom de méduse. C'est ça, Victoria. Et cette méduse, donc, du coup, utilisait la GFP pour justement son métabolisme et aussi pour permettre des interactions avec d'autres, par exemple des bactéries. Ouais. Et donc la GFP, aujourd'hui, est utilisée beaucoup en biologie moléculaire, tout comme une autre molécule qu'on appelle la luciférine. Oh, ça, c'est joli comme mot. Très joli comme mot, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Ouais. Parce que ça, Lucifer, on pense tout de suite forcément à Satan, etc. Ah ouais, c'est ça. Mais en fait, luciférine, c'est tout simplement une protéine qui produit de la lumière. Mmh. Et c'est une protéine qui est produite par beaucoup de groupes différents, mais en particulier du phytoplancton. Certaines diatomées produisent, pas des diatomées, mais des dinoflagellés. Ouais. Certains dinoflagellés qui sont un certain type de phytoplancton. Ça, c'est des algues microscopiques. Des algues microscopiques, exactement, qui vont produire de l'oxygène. Et bien, certains dinoflagellés vont produire cette luciférine quand ils sont embêtés. Ah, c'est ça, on voit des fois des marées fluorescentes, là, dans certaines conditions. Exactement, quand vous avez été les gens qui ont été en mer Méditerranée ou même sur l'océan Atlantique, ils voient de temps en temps, quand il y a des vagues, la nuit, un petit reflet bleu, un petit reflet comme ça. Mais en fait, tout simplement, c'est des dinoflagellés qui ont été embêtés par le courant et qui se sont mis à produire cette molécule sur ce stimulus. Et ça, c'est une molécule qu'on trouve aussi, qu'on exploite très utilement et presque tous les jours en laboratoire pour justement permettre d'identifier la réponse des cellules à certains traitements. Alors donc, est-ce que tu peux répéter le principe? On colle cette tout molécule simplement fluorescente à une autre molécule qu'on va suivre? Tout simplement, en fait, c'est que dans un milieu de culture, on a des cellules, et ces cellules ont été transformées ou non, ça dépend de la souche de la cellule et de l'origine de la cellule. Et en fait, certaines cellules ont justement cette petite molécule qui est attachée à une autre molécule qui est une molécule d'intérêt. Ok, on a une molécule d'intérêt qu'on veut suivre. C'est ça qu'on veut suivre. Elle est invisible et on lui colle dessus une molécule fluorescente. Elle est invisible parce qu'elle est microscopique et vraiment c'est à l'échelle atomique. Ouais, on parle vraiment de très très petit. Okay. Et en fait, c'est un moyen très simple de faire en sorte que notre molécule d'intérêt qui est couplée à cette grosse molécule fluorescente. Quand elle fait ce qu'on aimerait qu'elle fasse, ou que tout simplement elle identifie un système d'intérêt, et ben elle va interagir avec une enzyme qu'on appelle la luciférase, luciférine. Luciférine, c'est un nom de protéine, luciférase, c'est un nom d'enzyme. Parce que c'est une aminorase. Et en fait, tout simplement, c'est que ça va permettre d'interagir avec la luciférine qui est accrochée à cette molécule et de rendre fluorescente. Donc on va savoir que la réaction, par exemple, a eu lieu, ou que la protéine est là où on le veut qu'elle soit. que la protéine d'intérêt a fait son travail ou qu'elle est là où elle est. C'est exactement intéressant. Mais ça, moi, ça me dit, parce que là, on parle de, bon, de méduses, d'éponges, de petits vers, toutes des espèces qui nous paraissent un petit peu insignifiantes, mais qui ne sont absolument pas insignifiantes, finalement. Ah bah non, non, non, c'est, en fait, c'est ça. C'est un réservoir de molécules. C'est un réservoir colossal. Ouais. Et je pense qu'il y a un point extrêmement important qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, c'est que la biodiversité, bah, on sait tous qu'elle est menacée. Hein, ça. Mm-hmm. Je ne vais pas refaire encore un livre là-dessus. Mm-hmm. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que les espèces qu'on souhaite conserver, je pense par exemple aux dauphins, aux belugas, aux baleines noires, tout ça, qui sont des espèces qu'on appelle jolies, mm-hmm. des belles espèces, mm-hmm. des espèces qu'on a envie de garder parce qu'elles ont, une significativité esthétique pour nous, ou juste par exemple parce qu'on aime jouer avec. Enfin, mm-hmm. c'est une interaction avec l'homme. Eh ben, c'est des espèces qui sont importantes pour l'écosystème, ne me méprenez pas là-dessus. Hein. Je sais on sait très bien que les dauphins et les baleines ont un rôle capital sur la structure d'écosystème. Cependant, ce n'est pas les seuls. Mmh. Et on se rend compte, des études sont faites sur les écosystèmes pour savoir comment se structure un écosystème, ben, on se rend compte que des espèces qui sont ce qu'on va appeler les nœuds d'écosystème, des espèces qui sont complètement sans elles, tout l'écosystème soit est détruit, soit est complètement changé vers un autre système d'équilibre. Mmh. Des espèces comme ça qui sont colossales pour l'écosystème. Bah, par exemple, on peut voir des éponges qui sont à la base de l'écosystème. Ouais. On peut voir plein d'autres organismes qui sont par exemple des petits bivalves, des petits coquillages qu'on va trouver aussi, des escargots marins qui vont avoir un rôle énorme. Et en fait, on se rend compte que ces espèces, bah, soit on ne les connaît pas parce que on n'est pas intéressé par le milieu marin, donc on ne va pas sur les strands pour les regarder, soit on les trouve moches, on les trouve pas belles. Mm-hmm. Donc on n'a pas envie de les protéger. Mm-hmm. Sauf que c'est très très embêtant et c'est un réflexe qu'il faut vraiment combattre. Mm-hmm. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut conserver la biodiversité, il faut conserver la biodiversité avec un B majuscule et pas seulement quelques les espèces. Belles espèces, ouais. Par exemple, il y avait une statistique assez intéressante que j'avais trouvée qui parlait que sur les 1200 espèces de mammifères, alors ça, on considère mammifères terrestres dans ce cas-là, les 1200 espèces de mammifères qui sont considérées en danger d'extinction par le UICN, donc c'est l'Union internationale pour la protection de la nature, sur les 1200 mammifères, il n'y en a que 80 qui sont utilisés par les NGOs, donc les organismes à but non lucratif, pour avoir de l'argent. Donc pour augmenter leur significativité face au public et pour augmenter aussi la sensibilité du public à la protection de la nature. 80 sur 1200, ça veut dire qu'il en reste quand même 1120 qui ne sont pas vraiment utilisés. Et pourtant, c'est des espèces de mammifères. Ouais. Donc elles sont quand même proches de nous. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les protégerait pas ? Il y en a beaucoup d'autres dont il faut s'occuper. Mais c'est ça. Ouais. Donc on est sûr qu'aujourd'hui, conserver toute la biodiversité, c'est très complexe. Surtout qu'on est dans un milieu où l'empreinte de l'activité humaine sur les océans est colossale et partout. C'est-à-dire qu'on a pu mettre en évidence que pas un seul écosystème de la planète n'a pas été influencé par au moins une activité humaine. Donc c'est vraiment quelque chose de mondialisé. Donc on est certain que c'est très difficile de conserver ça. Mais il faut faire un effort. Il faut faire un effort et c'est surtout quelque chose qui va être mis en avant sur très bientôt parce que les Nations Unies ont décrété que de 2021 à 2030, ça va être la décade, the decade of the ocean science for sustainable development, ce qui veut dire la décade pour la science des océans pour un développement durable. Ah ouais. Et donc pendant toute cette décennie, il va y avoir une énorme communication qui va être faite justement sur les océans et beaucoup d'objectifs très concrets qui vont apparaître sur justement le développement d'une empreinte renouvelable, mm-hmm. d'un développement renouvelable mm-hmm. de l'homme sur l'océan. Mm-hmm. Et ça, en plus, qui se couple avec la fin du plan stratégique de la biodiversité qui se terminait en 2020. Mm-hmm. Donc, il va y avoir plein de choses qui vont se passer cette décennie. Donc, à voir. J'imagine que tu vas suivre tout ça parce qu'avec tes travaux, donc tu t'intéresses justement à cette biodiversité qui est à l'estran là où donc c'est toutes des choses. Non, puis en plus c'est très intéressant parce que dans ma thèse j'ai eu la possibilité de construire des modèles qui ont certes été testés à un endroit en particulier qui est le cas de cette île au Canada, au Québec, mais le but de ces outils c'est d'être utilisés ailleurs, donc de les rendre un petit peu généralisables pour le Saint-Laurent mais ailleurs. Ouais. Et ce que je trouve très excitant, c'est que je vais terminer mon doctorat dans pas longtemps. Et je pense que Ça arrive à point. Ça arrive à point nommé, exactement. Et je pense vraiment que tous les outils qu'on a développés tout au long de ce projet, déjà, ça donne un enthousiasme aux jeunes chercheurs comme moi, par exemple. Mm-hmm. Mais ça permet aussi de créer un réseau de chercheurs très, très intéressants qui, je pense, va être vraiment capital pour les prochaines années à venir. Mm-hmm. Bah, c'était fort, fort intéressant, Elliot. Je te remercie beaucoup de nous avoir rappelé que toutes les petites espèces comptent, pas seulement les ours polaires et les guépards, mais aussi les petits vers qui traînent dans le sable sous la mer. Alors, merci beaucoup, Elliot. Avec plaisir. Nous étions en compagnie d'Elliot Drejoux, étudiant au doctorat en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Merci.